Évariste Nzikoba Nyanga. Rekuimana sur la mise en onde, bonjour et bon appétit, vous qui êtes déjà à table, bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce 10 août 2017, dont voici d'abord le sommaire. Certains membres de la Chambre basse du Parlement disent avoir reçu des informations selon lesquelles les exercices paramilitaires seraient menés par des jeunes Imbonerakure dans certaines provinces du pays. Lors des questions orales à l'endroit du ministre de l'Intérieur, celui-ci a indiqué que si tel est le cas, l'Assemblée nationale peut mettre sur pied une commission d'enquête à son sujet. L'ouverture ce jeudi en mairie de Bujumbura des marchés récemment réhabilités. L'autorité municipale qui a procédé à l'ouverture solennelle des 10 marchés indique qu'ils vont accueillir certains commerçants et vendeurs victimes de l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura. Et la ville de Ruigi fait face à une pénurie du carburant depuis mardi de la semaine en cours. Les conséquences pèsent déjà et sur les passagers et sur les transporteurs. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministre de l'Intérieur promet un accueil chaleureux à tous les réfugiés qui voudraient rentrer suite aux inquiétudes des réfugiés qui ont peur d'être poursuivis par la justice une fois revenus au Burundi. Lesquelles inquiétudes sont soulevées par les députés Pascal Ibarandagué rassure qu'aucun réfugié ne sera poursuivi sauf ceux qui sont sur la liste publiée par le parquet général de la République. Le ministre de l'Intérieur l'a dit ce mercredi à l'Assemblée nationale. Joseph Sabiabandi nous fait le point. Selon la députée Odette Habonimana, il y aurait dans les pays voisins des réfugiés burundais qui voudraient rentrer, mais qui ont peur des représailles judiciaires une fois arrivés au Burundi. S'adressant au ministre de l'Intérieur ce mercredi, cet élu du peuple se présentait comme un messager d'un réfugié. Il m'a appelé et m'a dit que dans les camps de réfugiés au Rwanda, les réfugiés font face à beaucoup de problèmes, notamment celui de la restauration. Il m'a indiqué que l'une des raisons qui les en empêche de revenir au Burundi, c'est le risque d'être aussitôt arrêté au pays. Les réfugiés demandent une grâce sur les infractions que certains d'entre eux ont commises. Nous avons également entendu qu'en Tanzanie, les réfugiés ont fait une grève pour contraindre l'OHCR à les laisser rentrer au Burundi parce que cette organisation les en empêcherait. Je voudrais, Monsieur le ministre, connaître votre position sur ces deux situations. La position du gouvernement est que les personnes figurant sur la liste publiée par le parquet général de la République sont toujours recherchées par la justice, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Quant aux autres réfugiés, le ministre Pascal Ibarandagué dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Je crois que ces gens n'ont rien à s'inquiéter parce que pour la plupart, ce sont des gens pour la plupart qui ont fui par peur et d'autres, une bonne partie est constituée de jeunes qui ont été instrumentalisés par certains politiciens. Et parmi ces jeunes, j'ai eu l'occasion de les rassurer et je le répète même maintenant, personne n'est poursuivi par la justice burundaise maintenant. Vous savez bien que le procureur général a lancé la liste de ceux qui sont poursuivis par la justice. Ces jeunes ne font pas partie de cette liste. Vous savez même que même ceux qui avaient été appréhendés pendant les manifestations, ils ont bénéficié de la grâce présidentielle. Il n'y aurait aucune raison de poursuivre ces jeunes. Donc, s'ils veulent rentrer, franchement, nous les lançons un appel vibrant. Qu'ils viennent, nous allons les accueillir à bras ouverts et très chaleureusement. Dans l'objectif de rassurer les réfugiés, le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a des visites qui sont prévues dans les pays qui hébergent les réfugiés burundais, ainsi que des réunions tripartites entre ces pays, le Burundi et le HCR. Selon cette organisation, plus de 400 000 réfugiés burundais sont hébergés dans les pays voisins. Merci à Joseph Sabiabandi. Certains députés disent avoir reçu des rapports faisant état des exercices paramilitaires menés par les jeunes Imbonerakure dans certaines provinces du pays. Cette question a été évoquée par le député Noé Mbonigaba et Ferdinand Avzarimana lors des questions orales à l'endroit du ministre de l'Intérieur. Le président de l'Assemblée nationale leur a demandé d'être plus précis en indiquant l'endroit où ces exercices seront menés. Le ministre Pascal Ibarandagué a dit que l'Assemblée nationale peut aussi mettre sur place une commission parlementaire pour mener ses enquêtes. Le point avec Ben Yonkour. Le ministre de l'Intérieur a demandé à l'Assemblée nationale de mettre sur pied une commission pour enquêter sur cette question. Le premier député à l'avoir évoqué, c'est Noé Mbonigaba, élu dans la province de Gitega. La population nous a fait savoir qu'il y a des exercices paramilitaires menés par les jeunes du parti au pouvoir. Disent les courants, cela se fait pendant la nuit dans certaines provinces. Ils nous disent que ces jeunes apprennent même à manier les armes. Je ne sais pas si le ministre peut en dire quelque chose. L'honorable Ferdinand Havyarimana a abondé dans le même sens. Même si cela n'est pas vrai, je pense qu'on ne doit pas prendre à la légère cette question. Il faut enquêter, et si cela s'avère réel, alors aller tranquilliser la population, et si ce n'est pas vrai, on saura quoi faire. Le président de l'Assemblée nationale a fustigé les questions de ses parlementaires. Pascal Nyabenda les accuse d'avoir trop généralisé cette question et estime inopportun de mener les enquêtes. Pour lui, ces députés devraient préciser les endroits précis où ces exercices paramilitaires sont faits. Mais le ministre de l'Intérieur trouve que l'on peut désigner une commission parlementaire pour mener les enquêtes. Pour Pascal Ibanandaguié, ça pourrait être des bandits armés. Moi, je pense que si l'Assemblée nationale entend une telle question, elle peut mettre sur place une commission parlementaire pour mener des enquêtes, car il s'agit d'une question qui peut entacher notre pays. Les étrangers, mais aussi certains Burundais, peuvent en profiter pour dire que les choses vont mal au Burundi, alors qu'il pourrait bien s'agir des malfaiteurs armés. Le ministre Barandaguié dit que cette question est transversale. Tous les ministères en charge de la sécurité pourront aussi contribuer pour apporter les éclaircissements, a-t-il annoncé. Les Pays-Bas n'ont jamais arrêté l'aide au développement du Burundi, même pendant la crise de 2015. Cette affirmation est de l'envoyé spécial des Pays-Bas dans la région des Grands Lacs lors d'un point de presse ce mercredi, au moment où l'Union européenne a suspendu son appui au gouvernement du Burundi. Kaja Lazer, la sœur, dit qu'il ne s'agit pas des sanctions, mais des mesures prises suite au non-respect des accords de Cotonou lors de la crise de 2015. Je vous prie de l'écouter. Il faut clarifier que les Pays-Bas n'ont jamais laissé tomber les Burundais. Nous avons continué nos programmes d'aide au développement malgré la crise de 2015. Les Pays-Bas dépensent environ 40 millions d'euros par an pour l'aide au développement au Burundi. Nous allons continuer cette aide qui est supplémentée, une aide considérable aussi de la part de l'Union européenne. Nous sommes bien sûr membres fondateurs de l'Union européenne. Nos approches sont les mêmes, mais il faut préciser que l'Union européenne n'a pas pris des sanctions contre le Burundi. C'est des mesures appropriées par rapport à l'accord de Cotonou qui ont été mis en place à cause de la crise de 2015. Mais comme j'avais dit avant, maintenant l'Union européenne vient d'approuver un programme de 95 millions d'euros pour la population burundaise. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h05 au studio de la radio Isanganiro. Poursuivons ce journal par la page commerce. Cette marché dont un nouveau et 6 autres réhabilités ont été officiellement ouverts ce jeudi dans la capitale Bujumbura dans le but d'octroyer des stands aux commerçants victimes de l'incendie du marché central en 2013. Les cérémonies se sont déroulées à Ruziba au nom du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, remercie l'Union européenne qui a financé les travaux. Il est traduit en français par Léon Civitario. La construction de ces marchés a coûté très cher, plus de 4 millions d'euros. Ainsi, au nom du gouvernement burundais, nous saisissons cette occasion pour remercier du fond du cœur les pays de la communauté européenne qui ont financé tous les travaux. Nous leur demandons de continuer à nous appuyer même dans d'autres projets de développement. Nous demandons aux responsables de la mairie de Bujumbura de tout faire en vue de protéger ces marchés en ce qui est de la propreté, mais aussi et surtout les protéger contre tout incendie. Et vous, commerçants, nous vous demandons d'assurer vos marchandises. Nous avons espoir que ces marchés vont aider à alimenter et les caisses de l'État et celles des commerçants. Pour sa part, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, a tranquillisé les propriétaires des stands. Tous ceux qui disposent des fiches à la mairie seront servis. Il leur demande de bien entretenir ces infrastructures. Il est aussi traduit par Léon Sevitario. Aujourd'hui, les marchés sont ouverts. Demain, la commission chargée de distribuer les stands commence son travail. Les commerçants qui disposaient des fiches à la mairie, soyez tranquilles. Les stands sont les vôtres. L'opération se fera dans la transparence, vous serez tous là. Une fois arrivés dans ces marchés, protégez-les. Faites tout ce qui est votre possible pour y assurer la propreté et la sécurité. En rapport avec la sécurité justement, je vous dirai qu'aucune construction en bois ne sera autorisée. Il vous est également demandé d'assurer vos marchandises et nous, de notre côté, nous allons nous y atteler aussi à travers ces maisons d'assurance. Ces marchés qui ont été réceptionnés donc sont celui de Rudziba, le tout nouveau, et les six autres réhabilités, à savoir Kanyosha, Musaga, Kinindo, Jabé, Ngagara et Kinama. Pénurie du carburant dans la ville de Ruyigi, aucune station n'en distribue depuis ce mardi. Que ce soit l'essence ou le gasoil, les pompistes disent qu'ils attendent un nouvel approvisionnement, mais entre-temps, les motards se plaignent qu'ils travaillent à perte, disant qu'ils s'approvisionnent au marché noir au prix exorbitant, n'est-ce pas Jean-Claude Chimiliman? Aucun litre de carburant, l'essence et le gasoil, tous confondus, n'est actuellement vendu sur deux stations-service se trouvant dans la ville de Ruyigi. À la station Kobil, les pompistes disent que l'essence s'est épuisée ce lundi et que le gasoil a pris fin il y a de cela une semaine. Ils indiquent qu'ils attendent un nouvel approvisionnement à une date inconnue. À la station Imatko, nous n'y avons trouvé aucun pompiste, mais les propriétaires de véhicules qui s'y approvisionnent en carburant disent qu'il y a tout un mois sans que le carburant ne soit trouvable à cette station. Conséquence, des lamentations restent sur les lèvres de ceux qui font le transport payant. Certains des motards et chauffeurs de véhicules qui restent à l'intérieur de la province disent qu'ils encaissent des recettes insignifiantes. Ils expliquent qu'ils achètent actuellement le carburant au marché noir à un prix variant entre 3 000 et 3 500 francs le litre, aussi bien pour l'essence que pour le gasoil. Ceux qui dépassent les frontières provinciales disent qu'ils ne ménagent aucun effort pour s'approvisionner en carburant à Gitega, mais ils indiquent qu'ils font eux aussi recours au marché noir en cas de panne bête, inévitable dans ces conditions selon leur dire. Un autre point commun pour tous ces chauffeurs, ils disent qu'ils ne peuvent pas revoir à la hausse le coût du ticket de transport en fonction du prix auquel le carburant a été acheté par crainte de manquer de clients. Jean-Claude Nshimilimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimilimana, cap sur le nord du pays, précisément en province de Muyinga, où 9 moulins et une trentaine de tonnes de farine de manioc et de maïs sont partis en fumée suite à l'incendie qui a éclaté plutôt à une cinquantaine de mètres du marché de Muyinga, centre vers 1h du matin. Les commerçants faisant état d'une douzaine de moulins calcinés et parlent de conséquences d'un court-circuit du courant de la régie des eaux. La police n'a pas déterminé la cause de l'incendie. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de contenir le feu qui allait s'étendre au bâtiment du stade Umucho de Muyinga. Bouclons la boucle de ce journal sur la page environnement, les pêcheurs et ceux qui vaquent aux diverses activités près du lac Tanganyika demandent que les eaux de ce lac côté dit Kumasi au quartier industriel en zone urbaine de Ngagara ne continuent pas à être polluées. Certaines disent qu'ils ne peuvent plus avoir facilement du poisson suite à cette pollution des eaux du lac Tanganyika. Le point avec Mireille Kanyang. Umunuko amazi yirabura yahoze asa n'ubururu urayasa n'umuhondo ibi ni bimwe mu biranga ikiyaga. Vous nous excuserez de cette panne au niveau de la technique, l'élément qui était demandé n'était pas bien arrangé. Nous vous prions alors de suivre l'élément qui est bien monté avec Mireille Kanyang. Jadis bleu ciel, les eaux du lac Tanganyika, situées du côté dit Kumasi au quartier industriel, sont aujourd'hui multicolores. Du jaune et du noir se mélangent. Le constat se fait à l'endroit situé entre deux cours d'eau. Dans l'un coulent des eaux d'une odeur suffocante provenant de la société de fabrication des pots, a-t-on appris des riverains. D'autres encore de la rivière Nyabagere et de couleur noire. Selon un pêcheur trouvé sur place, il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir du poisson du fait qu'à cet endroit, l'eau noire est une sorte de fumier stagne faisant un tout homogène. Pêcheurs et riverains demandent au gouvernement de leur venir en aide et que ces eaux très sales ne continuent pas à être déversées dans le lac Tanganyika. C'est sur cet élément de Mireille Kanyang et ce que se referme cette édition de la mi-journée de ce 10 août 2017. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Certains membres de la Chambre basse du Parlement disent avoir reçu des informations selon lesquelles des exercices paramilitaires seraient menés par des jeunes Imbonerakure dans certaines provinces du pays. Lors des questions orales à l'endroit du ministre de l'Intérieur, celui-ci a indiqué que si tel est le cas, l'Assemblée nationale peut mettre sur pied une commission d'enquête à ce sujet. L'ouverture ce jeudi à Mairie de Bujumbura des marchés récemment réhabilités. L'autorité municipale qui a procédé à l'ouverture solennelle des 10 marchés indique qu'ils vont accueillir certains commerçants et vendeurs victimes de l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura. Vous l'avez entendu dans ce journal, la ville d'Origi fait face à une pénurie du carburant depuis mardi de la semaine en cours. Les conséquences pèsent sur les passagers et sur les transporteurs. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Eric Wiman pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous.